Chapitre 14. L'endroit où nous fûmes colloqués dès notre arrivée à Wuchangfu était une petite pagode tout récemment construite et dont les bonzes n'avaient pas encore pris possession. Le local était propre, mais très insuffisant. Nous ne pouvions disposer que d'une étroite chambre où l'air et le jour pénétraient par une lucarne unique, ouverte en face d'un grand mur. Il y avait une chaleur étouffante. Comme nous devions rester plusieurs jours dans la capitale du Hubei pour prendre une autre feuille de route et organiser une nouvelle escorte, nous fîmes tout de suite des réclamations afin d'obtenir un logement qui pût nous donner quelque espoir de ne pas mourir de suffocation. Tous les mandarins que nous vîmes nous promirent de s'occuper immédiatement de notre requête, mais sans doute aucun n'en fit rien, car on nous laissa impitoyablement dans cette étuve. Nous subissions les conséquences des fautes diplomatiques que nous avions eu la maladresse de commettre à Hongyang. Le petit mandarin de cette ville, qui avait été chargé de nous faire traverser le fleuve bleu et de nous conduire jusqu'à Wuchangfu, n'avait pas manqué de nous compromettre en disant que nous étions de bonnes gens et d'excellents accommodements. Maître Ting avait beau protester du contraire, on ne le croyait pas. On savait que le souper du préfet de Hongyang, n'ayant pas été de notre goût, nous avions tout bonnement et sans nous plaindre fait apporter à nos frais des vivres du restaurant. Ainsi, il n'y avait pas à se gêner avec nous. Nous serions toujours suffisamment heureux pourvu qu'on ne nous tuât pas. Tels furent les résultats d'un moment de faiblesse. Nous comprîmes alors combien nous avions eu raison de nous montrer intraitables avec ces mandarins, toujours disposés à devenir les tyrans et les persécuteurs de ceux qui ne savent pas les faire trembler. Il y avait encore une autre cause de ce mauvais vouloir de l'autorité de Wuchangfu à notre égard. Quelques mois avant notre arrivée dans cette ville, un missionnaire espagnol avait été reconnu et arrêté dans une petite chrétienté de la province. On l'avait conduit à la capitale, où il subit plusieurs interrogatoires juridiques. Après de nombreuses vexations dans les prisons publiques, où il fut longtemps détenu la chaîne au cou, on le reconduisit à Macao, conformément au traité conclu avec les diverses puissances européennes à l'issue de la guerre des Anglais. Ce bon père espagnol, dont nous n'avions pas, il faut le confesser, la résignation et la patience, avait laissé contracter aux habitants de Wuchangfu un ton et des allures dont nous étions les victimes. S'il nous arrivait de nous plaindre, on nous répondait que nous devions nous estimer très heureux, puisque nous n'étions ni emprisonnés ni enchaînés. Il semblait que notre bouche ne pouvait s'ouvrir que pour faire entendre des paroles d'action de grâce et de reconnaissance, parce qu'on ne nous avait pas encore coupé le cou. Nous crûmes qu'il était de notre devoir de combattre de notre mieux ces funestes dispositions, tant dans notre intérêt que dans celui des missionnaires qui auraient après nous à passer par là. Nous fîmes donc notre plan et nous attendîmes une occasion favorable. Notre cellule étroite et incandescente nous rendant la résidence extrêmement pénible, nous prîmes le parti de faire quelques promenades en ville en la compagnie de notre cher maître Ting, à qui il tardait beaucoup de revoir sa bien-aimée province de Sichuan et de n'avoir plus de relations avec les barbares du Hubei. Afin de pouvoir circuler dans les rues plus librement et sans exciter l'attention du public, il avait été indispensable de mettre provisoirement de côté la ceinture rouge et la calotte jaune. Wuchangfu nous était connu depuis longtemps. La première année de notre entrée en Chine, nous avions eu l'occasion de visiter cette grande ville, l'une des plus commerçantes de la Chine, à cause de sa situation au centre de l'Empire et sur les bords du fleuve bleu qui la met en rapport avec toutes les provinces. Nous avons vu que Hongyang était en face de Wuchangfu. Une autre ville immense, nommée Ankeu, c'est-à-dire bouche du commerce, en est encore plus rapprochée. Elle est située au confluent d'une rivière qui se jette de le Yangtze-Kiang, presque sous les murs de Wuchangfu. Ces trois villes, placées en triangle en vue l'une de l'autre et séparées comme par des bras de mer, sont en quelque sorte le cœur qui communique à la Chine tout entière sa prodigieuse activité commerciale. On compte à peu près 8 millions d'habitants dans ces trois villes, qui, pour ainsi dire, n'en font qu'une seule, tant elles sont étroitement unies entre elles par un va-et-vient perpétuel d'une multitude innombrable de navires. C'est là qu'il faut aller. C'est Ankeu, Hongyang et Wuchangfu qu'il faut visiter pour avoir une idée du commerce intérieur de la nation chinoise. Mais avant d'entrer à ce sujet, dans quelques détails qui ne seront pas, peut-être, dépourvus d'intérêt, il nous a semblé qu'il serait nécessaire de jeter un coup d'œil sur la géographie et la statistique de la Chine, de ce vaste et puissant empire d'Asie, le plus riche, le plus ancien et le plus peuplé de tous ceux qui existent actuellement, ou dont l'histoire nous a conservé le souvenir. La Chine, proprement dite, abstraction faite de ses vastes et nombreux royaumes tributaires, est un grand pays continental situé dans la partie orientale et moyenne de l'Asie. Elle est bornée au sud et à l'est par la mer Pacifique, au nord par la chaîne des monts In et par le grand désert de Gobi, appelé en chinois Sha Mo, mer de sable, à l'ouest par les hautes chaînes du Tibet et au sud-ouest par des chaînes moins élevées qui s'étendent sur les limites de l'empire birman et du Tonkin. Sous le règne de Qianlong, deuxième empereur de la dynastie Mandchou, trois provinces prises dans le pays qu'on connaissait autrefois sous le nom de Liaotong et de Mandchourie ont été ajoutées à la Chine. D'après ces dispositions, les frontières actuelles de l'empire suivent le rivage septentrional du golfe de Liaotong, en partant de Shanhaikuan, l'une des portes de la Grande Muraille, jusqu'à l'embouchure du Yalu. Parvenues en cet endroit, elles quittent la côte de ce golfe et s'étendent de l'ouest à l'est, le long des limites de la Corée jusqu'à la mer du Japon. Elles suivent le rivage de cette mer en se dirigeant vers le nord-est, puis vers le nord, jusqu'au point qui marque le commencement de la frontière russe, à peu de distance au nord de l'embouchure de l'Amour ou fleuve noir. De là, la ligne qui sépare les deux empires suit la chaîne des monts Qingang, redescend au sud-ouest jusqu'au fleuve noir, qu'elle coupe au confluent de l'Argun et s'arrête au lac de Kowloon et de Bouir. En cet endroit, la frontière chinoise s'éloigne de la frontière russe, en laissant entre deux le pays des Khalkhas et la Mongolie. Elle se dirige au sud-est jusqu'au Songari, qu'elle traverse à Bedoun, et vient rejoindre la barrière de pieux du Lao Teong. Elle suit cette palissade en allant du nord-est au sud-ouest jusqu'à sa jonction avec la Grande Muraille, à peu de distance à l'ouest de Chanhaikuan. La frontière chinoise suit la Grande Muraille, en allant par diverses sinuosités du côté de l'ouest jusqu'au fleuve jaune et séparant du pays des Mongols les deux provinces du Pechili et du Shanxi. Après avoir traversé le fleuve jaune vers le milieu de la branche qui descend au sud, elle court d'abord au sud-ouest, puis au nord-ouest entre le pays des Ortous au nord et la province de Shanxi au sud. Elle vient rejoindre une seconde fois le fleuve jaune au milieu de la partie de ce fleuve qui est dirigée vers le nord, le traverse encore en redescendant au sud, après avoir embrassé le territoire de Ningxia, puis va, en côtoyant la rive gauche d'abord et ensuite la rive droite, jusqu'au 37e degré de latitude. Là, elle s'éloigne du fleuve en se dirigeant au nord-ouest jusqu'à ce qu'elle ait atteint au 40 degrés le département de Suzhou. Elle continue à suivre la même direction jusqu'au 44 degrés de latitude. C'est là qu'est l'extrémité de la Chine du côté du nord-ouest. La frontière revient alors au sud-est, laissant de côté des déserts sablonneux et le pays de Kukunor. Parvenue à Xining, elle descend au sud en côtoyant successivement les provinces du Shanxi et du Sichuan. La direction devient un peu occidentale dans les contrées où les fortes rivières qui coulent des hautes montagnes du Tibet versent leurs eaux dans le grand fleuve que les Chinois nomment par excellence Qiang ou le fleuve. Elle tourne ensuite à l'est, marche par diverses sinuosités entre le pays des Birmans et la Cochinchine d'une part, et les provinces du Yunnan et du Guangxi de l'autre, jusqu'au point d'où nous sommes partis. Conformément aux limites que nous venons de tracer, on voit que la Chine présente la forme d'un cercle, ou plutôt d'un parallélogramme équilatéral, dont on aurait abattu les angles, appuyé au sud sur le tropique du Cancer qu'il ne dépasse que d'environ 1,5 degré, s'étendant au nord jusqu'au 41e degré et offrant au nord-est et au nord-ouest deux prolongements dont l'un s'avance jusqu'au 56 degrés de latitude nord et l'autre jusqu'au 44 degrés seulement. En ne tenant pour le moment aucun compte de ces deux appendices, on voit que la Chine est comprise entre le 20 degré et le 41 degré de latitude nord et le 140 degré et le 95 degré de longitude, ce qui lui donne une étendue de 525 lieues du nord au sud et 600 lieues de l'est à l'ouest, à partir des points les plus éloignés, ou environ 300 000 lieues carrées en superficie, ou plus de 6 fois la surface de la France. La Chine forme une portion considérable de cet immense versant situé à l'orient des montagnes du Tibet, et qui est contigu au sud et à l'est avec les plages du Grand Océan Oriental. Ces montagnes de l'ouest, dépendance du massif de l'Asie centrale, se prolonge vers la mer d'Orient par deux principales séries de chaînons dont l'une porte le nom chinois de Tsingling, Mont Bleu, et se dirige au sud-est entre les 34e et 31e parallèles, et dont l'autre connue, sous le nom de Langling, Mont de Midi, se dirige vers l'est-sud-est entre les 27e et 24e parallèles. les monts Tsingling et Nanling, indiqués comme des chaînes continues sur la plupart des cartes de la Chine, ne sont en réalité que des agglomérations de chaînons dont l'orientation générale est vers le nord-est. Le sol chinois présente encore plusieurs autres grandes arêtes dirigées dans le même sens par chaînons interrompus. Telles sont celles qui s'étendent de la pointe orientale du Shantung à l'île de Hainan et le Taitung près de la province de Shanxi au nord jusqu'à la frontière du Tonkin. Cette direction commune, du sud-ouest au nord-est, est celle aussi de la ligne de volcans qui se prolonge à travers la grande île de Formose, l'archipel de Liaoyu et le Japon jusqu'aux îles Aléoutiennes. Le savant géologue M. Élie de Beaumont a montré qu'elle coïncidait avec le grand cercle de la sphère terrestre qui passe par les cordillères de l'Amérique du Sud et les montagnes rocheuses de l'Amérique du Nord, d'où il résulte que le système des montagnes de l'Asie orientale et le système des grandes chaînes américaines paraissent avoir été formés à la même époque. Les tremblements de terre, les éruptions boueuses et les soulèvements qui se sont fait sentir dans la Chine depuis la plus haute antiquité ont en effet une analogie frappante avec les phénomènes de ce genre qui ont eu lieu dans les deux Amériques. On ne connaît aucun volcan actuellement en ignition dans la Chine, mais il est certain que les terrains volcaniques y occupent un espace considérable. Il y a un grand nombre de solfatares dans la province de Shanxi, où les habitants les emploient à des usages économiques. Parallèlement à ces séries de chaînons de montagnes chinoises, coulent un grand nombre de rivières et de cours d'eau, dont la plupart aboutissent dans l'un ou l'autre des deux immenses fleuves, le Yangtze-Kiang, que nous appelons fleuve bleu, et le Huang-Ho, ou fleuve jaune. Tous deux prennent leur source dans les montagnes du Tibet oriental, à peu de distance l'un de l'autre, entre le 34e et le 35e de latitude nord. Leur embouchure est aussi très rapprochée dans la mer orientale, mais leur cours s'écarte à des distances considérables et embrasse un espace de pays prodigieux. Nous avons déjà eu occasion d'en parler ailleurs. De même que les géographes chinois classent les montagnes d'après leurs idées particulières, et en distinguent cinq principales auxquelles ils donnent les sites distincts qui ont leur fondement dans les traditions historiques, de même aussi ils désignent quatre fleuves ou rivières sous le nom de Setu, les quatre écoulements, ce sont le Qiang, le Ho, le Hui et le Tsi. Il faut ajouter à ces fleuves un nombre considérable de rivières qui vont se jeter à la mer, mais dont le cours est généralement peu étendu. Beaucoup d'affluents du fleuve jaune et du fleuve bleu les surpassent en longueur et en volume. La Chine compte plusieurs grands lacs. On en distingue cinq principaux, savoir 1. Le lac Tongting, sur les confins des provinces du Honan et du Hubei. 2. Le lac Puyang, dans le Jiangxi. 3. Le lac Hongzhe, dans le Jiangsu. 4. Le Siou, ou lac occidental, dans le Zhejiang. Et 5. Le lac Taiyu, ou grand lac, sur les limites du Jiangsu et du Zhejiang. Il y a, en outre, beaucoup d'autres lacs, plus petits ou moins célèbres, notamment dans le Yunnan. Le climat d'un pays qui s'étend depuis le tropique jusqu'au 56e degré doit différer infiniment, suivant les provinces. Celui de la Chine offre, en effet, toutes les variations de la zone tempérée et participe, en quelque sorte, aussi de celui de la zone glaciale et de la torride. La province du fleuve Noir a des hivers semblables à ceux de la Sibérie, et la chaleur de Canton ressemble à celle de l'Hindoustan. On voit des rennes dans le nord et des éléphants dans le midi. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances de la température, toutes les gradations du chaud et du froid s'observent à mesure qu'on avance du midi vers le nord. Ainsi, à Pékin, par 40 degrés de latitude, le thermomètre descend pendant les 3 mois de l'hiver jusqu'à 30 degrés Celsius au-dessous de zéro et s'élève dans l'été jusqu'à 30 degrés de chaleur. À Canton, par 23 degrés de latitude, la température moyenne est de 29,9 degrés Celsius. Généralement, l'air est très sain en Chine, et les exemples de longévité ne sont pas rares, ce qui est d'autant plus remarquable que la culture la plus universellement répandue, du moins dans les provinces du Midi, est celle des rizières. On doit, sans doute, attribuer cet avantage en partie à l'heureuse disposition des bassins qui sont ouverts aux vents les plus généreux, et en partie aussi aux sages mesures qu'on a prises pour l'assainissement du pays en cultivant les bords du lac et les prairies marécageuses, en procurant un libre écoulement aux eaux des fleuves et des rivières, et en assujettissant à des règlements judicieux les travaux d'irrigation, l'un des moyens de prospérité de l'Empire et de salut pour les habitants. La surface entière de la Chine peut être divisée en 3 zones parallèles à l'équateur et dont la température et les produits sont très différents. La zone du nord s'étend au 35e parallèle et ne dépasse guère au sud la vallée inférieure du fleuve jaune. Les froids y sont trop rudes pour le thé, le riz, le mûrier ordinaire. Les terres s'ensemencent principalement en millet et en amoine, qui résistent mieux au froid que le froment. On y exploite beaucoup de minerais de fer et des gisements considérables de houille. Ce combustible si précieux se trouve d'ailleurs dans presque toute la Chine, et notamment dans la province du Gansu. Il est employé pour le chauffage habituel, la fabrication du fer, de la chaux, etc. La zone centrale, limitée par le 27e ou le 26e parallèle et les monts Nanling, a des hivers beaucoup plus doux que la zone du nord. Le riz, le froment y sont excellents. Elle possède les meilleurs espaces de thé, le mûrier, le cotonnier, le jujubier, l'oranger, la canne à sucre, qui a été importée de l'Inde au 8e siècle, le bambou, qui remonte au nord jusqu'au 38e et a été appliqué par les Chinois à de nombreux usages. La partie orientale de cette zone favorisée est célèbre par ses fabriques de soieries et de cotonnades. Le milieu passe pour le grenier de la Chine et pourrait la nourrir par ses immenses récoltes de riz. L'Occident est riche en bois de construction. La zone méridionale, bordée par la mer, présente les mêmes productions naturelles que la zone centrale. Mais, généralement, elles sont de moins bonne qualité parce que la température est plus chaude. De nombreux gîtes métallifères sont répartis dans l'une et dans l'autre de ces deux zones. L'or et l'argent se trouvent dans les provinces du sud et dans celles de l'ouest. Le cuivre, l'étain, le plomb s'extraient dans la province centrale du Jiangxi. Le mercure est très abondant, sous diverses formes. Enfin, les montagnes du sud-ouest, dans le Yunnan et le Kuaicheu, passent pour très riches en métaux de toute espèce. On trouve encore en Chine du lazulètre, le quartz, le rubis, l'émeraude, le corindon, la pierre olaire, qui sert à faire des bases et particulièrement des écritoires, la stéatite, qu'on taille en ornement et en figurines, diverses espèces de schiste, de roches cornéennes et de serpentines, dont on fabrique des instruments de musique. Le jade, si célèbre sous le nom de Yu, se trouve aussi à Taitung, dans la province du Shaanxi. Mais la plus grande partie de cette pierre, si estimée des Chinois, vient de Khotan et est apportée de Tartarie par les Boukhars. La Chine nourrit un grand nombre d'espèces d'animaux, parmi lesquelles il y en a plusieurs qui ne sont que peu ou mal connues en Europe. Le cheval y est moins beau et plus petit. On y trouve, dans le nord, le chameau de Bactriane, le buffle, plusieurs espèces d'ours, de blaireaux, de ratons, une espèce particulière de tigre, plusieurs espèces de léopards et de panthères. Le bœuf est moins commun qu'en Europe, et le cochon est plus petit. Il y a plusieurs variétés de chiens qui ont la langue noire. Le chat y est mis en domesticité, surtout une espèce qui est sans queue et qui est très répandue dans le Midi. La variété blanche à poils soyeux n'y est pas inconnue. On compte beaucoup d'espèces différentes de rongeurs, parmi lesquelles il y en a qui pullulent au point de devenir un fléau pour les provinces, qu'elles parcourent en troupes immenses. Les gerboises, les poils à touche, les écureuils, les loutres, les iblines se trouvent dans les forêts. Le rhinocéros et le tapir oriental habitent les parties occidentales du Guangxi, du Yunnan et de Sichuan, de nombreuses espèces de cerfs, de chèvres et d'antilopes, le musc et d'autres ruminants moins connus peuplent les forêts et les montagnes, particulièrement dans les provinces occidentales. On trouve aussi dans le sud-ouest plusieurs quadrumanes et même de grandes espèces de singes assez voisines de l'orang-outan. La Chine, si féconde en produits de tout genre, possède surtout un trésor sans lequel les plus abondantes richesses du sol deviennent bientôt inutiles. Nous voulons parler de l'industrie de ses habitants. L'industrie des Chinois est merveilleuse en tout ce qui concerne les choses usuelles et les commodités de la vie. L'origine de plusieurs arts se perd chez eux dans la nuit du temps, et l'invention en est attribuée à des personnages dont l'existence historique a souvent été mise en doute par les analystes. Ils ont toujours su préparer la soie et fabriquer des étoffes qui ont attiré chez eux les marchands d'une grande partie de l'Asie. La fabrication de la porcelaine a été portée à un degré de perfection qui, sous le rapport de l'élégance, n'a été dépassé en Europe que depuis bien peu d'années, et qu'on n'y égale pas encore sous le rapport de la solidité et du bon marché. Le bambou leur sert à faire des milliers d'ouvrages de toute espèce. Leur toile de coton, le Nankin, sont renommées dans le monde entier. Ils excellent dans la confection des satins à fleurs. Malgré la simplicité de leur métier, ils peuvent reproduire les dessins les plus variés, et nous n'avons pas encore réussi à imiter leurs crêpes. Outre les toiles en chanvre, ils en fabriquent de très fortes, avec une sorte de lierre appelée ko. Leurs meubles, leurs vases, leurs instruments et outils de toute espèce sont remarquables par une certaine simplicité ingénieuse qui mériterait souvent d'être imitée. La polarité de l'aimant avait été remarquée chez eux 2500 ans avant notre ère, quoiqu'ils n'en eussent pas tiré parti pour la navigation, la poudre à canon et d'autres compositions inflammables dont ils se servent pour construire des pièces d'artifice d'un effet surprenant, leur étaient connues depuis très longtemps, et l'on croit que des bombardes et des pierriers, dont ils avaient enseigné l'usage aux Tartares au XIIIe siècle, ont pu donner en Europe l'idée de l'artillerie, quoique la forme des fusils et des canons dont ils se servent actuellement leur était apportée par la France, ainsi que l'attestent les noms mêmes qu'ils donnent à ces sortes d'armes. De tout temps, ils ont su travailler les métaux, faire des instruments de musique, polir et tailler les pierres dures. La gravure en bois et l'imprimerie stéréotype remontent en Chine au milieu du Xe siècle. Ils excellent dans la broderie, la teinture, les ouvrages de vernis. On n'imite qu'imparfaitement en Europe certaines productions de leur industrie, leurs couleurs vives et inaltérables, leur papier à la fois solide et fin, leur encre, et une infinité d'autres objets qui exigent de la patience, du soin et de la dextérité. Ils se plaisent à reproduire des modèles qui leur viennent des pays étrangers. Ils les copient avec une exactitude scrupuleuse et une fidélité servile. Ils fabriquent même, tout exprès pour les Européens, des objets qui sont du goût de ces derniers, des magots ou des figurines en stéatite, en porcelaine, en bois peint, et la main-d'œuvre est à si bon marché chez eux qu'il y a souvent de l'avantage de leur commander des ouvrages que les artisans européens ne pourraient exécuter qu'à de grands frais. Nous devons remarquer qu'en Chine, l'industrie, comme tout le reste, au lieu de faire des progrès, va tous les jours en déclinant. Plusieurs secrets importants de fabrication se sont perdus, et aujourd'hui, les ouvriers les plus habiles seraient incapables d'obtenir la perfection et le fini qu'on admire dans les ouvrages des siècles passés. De là, ce goût effréné des riches chinois pour le koutoun ou antiquité. Ils recherchent avec avidité des porcelaines, des bronzes, des tissus de soie, des peintures, qui, à part le mérite d'être de vieille date, surpassent de beaucoup comme œuvre d'art les productions modernes. Non seulement les Chinois de nos jours n'inventent rien, ne perfectionnent rien, mais ils rétrogradent sensiblement du point avancé où ils étaient parvenus depuis si longtemps. Ce déplorable état de choses tient à cette désorganisation générale, à cette incurie du gouvernement, que nous avons déjà eu occasion de signaler tant de fois. Personne n'encourage le talent et le mérite des artistes et des industriels. Il n'y a rien pour exciter leur émulation. Aussi, on ne tente aucun progrès, on ne cherche pas à se distinguer. Tout homme de génie, capable de donner une salutaire impulsion aux arts et à l'industrie, se trouve à l'instant paralysé par la pensée que son mérite sera méconnu, et que ses efforts obtiendront de la part du gouvernement des châtiments plutôt que des récompenses. Il n'en était pas ainsi autrefois, et les moyens qui aujourd'hui en Europe contribuent si efficacement à développer tous les talents et toutes les aptitudes étaient aussi mis en usage dans l'Empire chinois. Il y avait des expositions publiques pour les produits des arts et de l'industrie, tous les citoyens étaient admis à en faire la critique, et les magistrats ne manquaient jamais de louer et de récompenser ceux qui se distinguaient par leur travail et leur succès. Dans la relation des voyages faits par les Arabes en Chine au IXe siècle, on trouve un curieux passage qui vient en quelque sorte expliquer les progrès étonnants des Chinois à une époque où les autres peuples du monde étaient plongés dans l'ignorance et la barbarie. « Les Chinois, dit le narrateur arabe, sont au nombre des créatures de Dieu qui ont le plus d'adresse dans la main, en ce qui concerne le dessin, l'art de la fabrication et pour toute espèce d'ouvrage. Ils ne sont à cet égard surpassés par aucune nation. En Chine, un homme fait avec sa main ce que vraisemblablement personne ne serait en état de faire. Quand son ouvrage est fini, il le porte au gouverneur, demandant une récompense pour le progrès qu'il a fait faire à l'art. Aussitôt, le gouvernement fait placer l'objet à la porte de son palais et on l'y tient exposé pendant un an. Si dans l'intervalle, personne ne fait de remarques critiques, le gouverneur récompense l'artiste et l'admet à son service. Mais si quelqu'un signale quelques défauts graves, le gouverneur renvoie l'artiste et ne lui accorde rien. Un jour, un homme représenta sur une étoffe de soie un épi sur lequel était posé un moineau. Personne, en voyant la figure, n'aurait douté que ce ne fût un véritable épi et qu'un moineau était réellement venu se percher dessus. L'étoffe resta quelque temps exposée. Enfin, un bossu étant venu à passer, critiqua le travail. Aussitôt, on l'admit auprès du gouverneur de la ville. En même temps, on fit venir l'artiste. Ensuite, on demanda au bossu ce qu'il avait à dire. Le bossu dit « C'est un fait admis par tout le monde, sans exception. qu'un moineau ne pourrait pas se poser sur un épi sans le faire ployer. Or, l'artiste a représenté l'épi droit et sans courbure, et il a figuré un moineau perché dessus. C'est une faute. L'observation fut trouvée juste, et l'artiste n'en reçut aucune récompense. Le but des Chinois, dans cela et dans les choses de même genre, est d'exercer le talent des artistes et de les forcer à réfléchir mûrement sur ce qu'ils entreprennent, et à mettre tous leurs soins aux ouvrages qui sortent de leurs mains. Il est facile de comprendre combien ces expositions permanentes devaient exciter l'émulation et favoriser les progrès de tout genre. Aussi, à cette époque, les procédés artistiques et industriels de la Chine avaient une supériorité si marquée sur ceux des pays voisins que son commerce extérieur prit un développement prodigieux. C'est principalement le commerce de la soie qui se faisait avec les Romains, par l'entremise des Boukhars, des As et des Persans, qui a fait connaître les Chinois en Occident et appelé les Occidentaux en Chine. Les étrangers qui fréquentaient ces ports étaient si nombreux que vers la fin du IXe siècle, 120 000 furent massacrés à Hangzhou, capitale de Zhejiang. Voici de quelle manière l'écrivain arabe raconte ces terribles exécutions. Des événements sont survenus qui ont fait cesser les expéditions dirigées vers ces contrées, la Chine, qui ont ruiné ce pays, qui en ont aboli les coutumes et qui ont dissous sa puissance. Je vais, s'il plaît à Dieu, exposer ce que j'ai lu relativement à ces événements. Ce qui a fait sortir la Chine de la situation où elle se trouvait en fait de loi et de justice, et ce qui a interrompu les expéditions dirigées vers ces régions du port de Siraf, c'est l'entreprise d'un rebelle qui n'appartenait pas à la maison royale et qu'on nommait Boshena. Cet homme débuta par une conduite artificieuse et par l'indiscipline. Puis il prit les armes et se mit à rançonner les particuliers. Peu à peu, les hommes mal intentionnés se rangèrent autour de lui. Son nom devint redoutable, ses ressources s'accrurent, son ambition prit de l'essor, et parmi les villes de la Chine qu'il attaqua était Kangfu, port où les marchands arabes abordent. Entre cette ville et la mer, il y a une distance de quelques journées. Sa situation est sur une grande rivière et elle est baignée par l'eau douce. Les habitants de Kangfu ayant fermé leurs portes, le rebelle les assiégea pendant longtemps. Cela se passait dans le cours de l'année 264 de l'Égire, 878 de J.C. La ville fut enfin prise et les habitants furent passés au fil de l'épée. Les personnes qui sont au courant des événements de la Chine rapportent qu'il périt en cette occasion 120 000 musulmans, juifs, chrétiens et mages qui étaient établis dans la ville et qui exerçaient le commerce, sans compter les personnes qui furent tuées d'entre les indigènes. On a indiqué le nombre précis des personnes de ces quatre religions qui perdirent la vie, parce que le gouvernement chinois prélevait sur elles un impôt d'après leur nombre. De plus, le rebelle fit couper les mûriers et les autres arbres qui se trouvaient sur le territoire de la ville. Nous nommons les mûriers en particulier, parce que la feuille de cet arbre sert à nourrir l'insecte qui fait la soie, jusqu'au moment où l'animal s'est construit sa dernière demeure. Cette circonstance fut cause que la soie cessa d'être envoyée dans les contrées arabes et dans d'autres régions. Pendant que les étrangers affluaient dans les ports du Céleste Empire, les marchands chinois parcouraient avec leurs jonques les mers de l'Inde et allaient trafiquer jusqu'en Arabie et en Égypte. Ils visitent encore de nos jours, dans des vues commerciales, les îles de l'archipel oriental, les ports de la Cochinchine et du Japon, la presqu'île de Malacca et même le Bengale. Quant au commerce par terre, ils s'en sont occupés à différentes époques avec activité, et l'on ne peut douter que les intérêts du négoce n'aient conduit en Tartarie les colonies chinoises qui s'y sont établies et attiré vers les pays occidentaux les armées que le gouvernement chinois y a souvent envoyées. Aujourd'hui, le commerce extérieur se fait par terre sur toute la frontière du nord et de l'ouest. Les Chinois se procurent des chevaux de Tartarie, du jade, du musc et des châles de Khotan et du Tibet, des fourrures de la Sibérie et des draps, du savon, des cuirs, des fils d'or et d'argent, de Silésie et de Russie. Les villes voisines du pays des Birmans reçoivent, de ce côté, des marchandises européennes. C'est par la voie de la petite Boukharie et des villes placées au nord-ouest du Kansu que les premières soieries sont autrefois arrivées en Europe. Mais les difficultés du transport rendent, depuis longtemps, le commerce extérieur, par terre, beaucoup moins important que le commerce maritime. Le port de Canton a été longtemps le seul ouvert du commerce européen qui, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, n'envoyait en Chine que son argent pour être échangé contre du thé. Depuis le commencement du XIXe, il a commencé à importer des cotonnades, des draps, des métaux travaillés, des montres, etc. L'Inde fournit ses épices, du camphre, de l'ivoire, surtout une énorme quantité d'opium, dont le goût s'est si rapidement propagé en Chine. Ce vaste continent livre aujourd'hui au commerce étranger une valeur de 177 millions de francs en échange de 226 millions de produits bruts ou manufacturés que lui verse l'Inde ou l'Occident. La consommation plus ou moins considérable des principaux produits de la Chine, le thé et la soie grège, détermine l'importance des échanges que l'on peut opérer avec les sujets du Céleste Empire. La Chine a besoin de vendre, non d'acheter. À l'exception de l'opium et du coton de l'Inde, ce qu'elle accepte du commerce étranger, elle ne l'accepte qu'en vue de favoriser l'écoulement de ses propres articles. D'après une pari donnée, il est facile de prévoir le rôle commercial que la France peut se créer sur ce nouveau terrain, à côté des autres puissances de l'Occident. L'Angleterre importe dans ses entrepôts 25 millions de kilogrammes de thé, les États-Unis 8 millions, la Russie 4 millions. Quant à la France, elle ne transporte que le thé nécessaire à sa consommation et n'en reçoit pas 300 000 kilogrammes par an. La soie grège n'est exportée que par l'Angleterre et les États-Unis. L'Angleterre en demande au Céleste Empire plus d'un million de kilogrammes, représentant une valeur d'environ 35 millions de francs. De tous les pays qui cherchent en Chine un débouché pour leurs produits, l'Inde anglaise est le seul qui trouve un marché facile et qui puisse y faire pencher la balance des échanges en sa faveur. La Chine reçoit annuellement de Calcutta et de Bombay pour 30 millions de coton brut pour 120 millions d'opium. Les manufactures britanniques, en se condamnant à ne vendre leurs tissus qu'à vil prix, sont parvenues cependant, malgré la concurrence de l'industrie chinoise, à faire entrer dans les ports de Canton et de Shanghai une valeur de 33 millions en fil de coton et en cotonnade, de 11 millions en tissu de laine. Les draps russes offerts à Kiaktai et dans l'Asie centrale, les cotonnades américaines importées à Shanghai, acceptent les mêmes conditions et se résignent au même sacrifice. Ce commerce onéreux se soutient à l'aide des bénéfices réalisés sur les chargements de retour et contribue encore à exclure les produits français de l'Extrême-Orient. Aussi, dans les meilleures années, les échanges de la France avec la Chine n'ont-ils pas dépassé 2 millions ? Afin qu'on puisse saisir d'un coup d'œil le degré d'importance des opérations commerciales que les diverses nations étrangères font avec la Chine, nous allons donner un tableau exact du nombre de bâtiments marchands qui ont été expédiés dans ces ports pendant une de ces dernières années. Importation en Chine en 1850, Angleterre 374, États-Unis 183, Hollande 29, Espagne 13, France 4, Royaume d'Hiver 22. Ce grand mouvement commercial est sans doute d'une importance considérable pour l'Angleterre et les États-Unis, mais son influence se fait bien peu sentir dans ce vaste empire chinois et au milieu de cette immense population de marchands. Le commerce avec les étrangers pourrait cesser complètement et tout d'un coup, sans causer peut-être la moindre sensation dans les provinces intérieures. Les grands négociants chinois des ports ouverts aux Européens s'en ressentiraient, mais il est probable que la nation chinoise ne s'apercevrait même pas de cette interruption. Le prix du thé et de la soie diminuerait, et celui de l'opium augmenterait, mais seulement pour peu de temps. Car les Chinois se mettraient aussitôt à en fabriquer en abondance. La marche des affaires ne se trouverait nullement gênée, parce que, comme l'a très bien remarqué le capitaine Jurien de la Gravière, la Chine a besoin de vendre, non d'acheter. Ses riches et fertiles provinces lui fournissent tout ce qu'il lui faut. Elle a chez elle le nécessaire et l'utile, et les Européens ne peuvent lui fournir que des objets de luxe et de fantaisie. Les cotonnades qu'on lui apporte, quelque énormes qu'en paraisse la quantité, ne sauraient être en réalité que d'une faible ressource pour l'immense consommation de plus de 300 millions d'hommes. Si donc le gouvernement chinois n'a jamais, à aucune époque, favorisé le commerce avec les Européens, si au contraire il a toujours cherché à le paralyser, à l'écraser même, c'est parce qu'il l'a toujours considéré comme nuisible aux véritables intérêts du pays. Le commerce, selon les Chinois, ne peut être utile à l'Empire qu'autant qu'en cédant des choses superflues. On en acquiert de nécessaires ou d'utiles. Ce principe admis, ils ont conclu que le commerce des étrangers, diminuant la quantité usuelle des soies, des thés, des porcelaines et occasionnant l'augmentation de leurs prix dans toutes les provinces, est véritablement désavantageux à l'Empire. Aussi le gouvernement s'est-il toujours appliqué à l'entraver. Les objets de luxe, les précieuses bagatelles qu'apportent les navires européens, ne lui ont jamais fait illusion. il ne recherche que le commerce avec les Tartares et les Russes, qui fournit des pelleteries et des cuirs dont on a besoin dans toutes les provinces et qui se fait par des échanges. Les Chinois n'ont pas tout à fait les mêmes idées que les Européens sur le commerce. Voici comment s'exprimait, il y a plus de 2000 ans, Kuang Tse, célèbre économiste du Céleste Empire. L'argent qui entre par le commerce n'enrichit un royaume qu'autant qu'il en sort par le commerce. Il y a de commerces longtemps avantageux que celui des échanges ou nécessaires ou utiles. Le commerce des objets de faste, de délicatesse et de curiosité, soit qu'il se fait par échange ou par achat, suppose le luxe. Or le luxe, qui est l'abondance du superflu chez certains citoyens, suppose le manque du nécessaire chez beaucoup d'autres. Plus les riches mettent des chevaux à leurs chars, plus il y a de gens qui vont à pied. Plus leurs maisons sont vastes et magnifiques, plus celles des pauvres sont petites et misérables. Plus leur table est couverte de mets, plus il y a de gens qui sont réduits uniquement à leur riz. Ce que les hommes en société peuvent faire de mieux à force d'industrie et de travail, d'économie et de sagesse, dans un royaume bien peuplé, c'est d'avoir tout le nécessaire et de procurer le commode à quelques-uns. D'après ces idées, qui sont celles de l'administration chinoise, il est facile de prévoir que les produits européens n'obtiendront jamais un grand écoulement dans le Céleste Empire. Et cet état de choses durera tant que les Chinois voudront rester ce qu'ils sont, sans modifier leurs goûts et leurs habitudes. Le commerce extérieur, n'ayant à leur offrir aucun objet de première nécessité, pas même d'une utilité réelle, ils s'intéresseront fort peu à son extension. Ils le verront s'arrêter non seulement sans inquiétude, mais encore avec un certain sentiment de satisfaction. Il n'en serait certainement pas ainsi du côté des Anglais. Une interruption totale du commerce avec la Chine serait pour l'Angleterre un événement désastreux. La vie et le mouvement de cette puissance colossale se trouveraient aussitôt paralysés dans les Indes. Des extrémités, le mal gagnerait rapidement le cœur, et on ne tarderait pas à percevoir dans la métropole les symptômes d'une maladie peut-être mortelle. La source la plus féconde de la richesse et de la force de la Grande-Bretagne se trouve dans ses colonies de l'Inde, et c'est surtout par la Chine qu'elle s'alimente. Les Anglais le savent bien. Aussi les a-t-on vus, dans ces dernières années, prendre bravement la résolution d'endurer avec patience et résignation toutes les avanies du gouvernement chinois, plutôt que d'en venir à une nouvelle rupture et d'arrêter ce grand mouvement commercial qui est une des principales sources de la prospérité des Indes. Une raison excellente pour laquelle la Chine aime médiocrement à faire le négoce avec les étrangers, c'est que son commerce intérieur est immense. Elle y emploie des bâtiments de toute grandeur qui sillonnent continuellement les rivières et les canaux dont l'empire est arrosé dans toute son étendue. Il consiste principalement en échanges de grains, sel, métaux et autres productions naturelles et artificielles des différentes provinces. La Chine est un pays si vaste, si riche et si varié, que le trafic intérieur suffit surabondamment pour occuper la partie de la nation qui peut se livrer aux opérations mercantiles. Il y a, dans toutes les villes importantes, de grandes maisons de commerce qui sont comme les réservoirs où viennent se décharger les marchandises de toutes les provinces. De tous les points de l'Empire, on accourt s'approvisionner dans ces vastes entrepôts. Aussi remarque-t-on, de toutes parts, un mouvement, une activité fiévreuse qu'on ne trouverait pas dans nos plus importantes villes d'Europe. Les voies de communication, quoique souvent très peu confortables, sont sans cesse encombrées de marchandises qu'on emporte sur des barques, des chariots, des brouettes, à dos d'hommes et de bêtes de somme. Le gouvernement fait lui-même le commerce en conservant, dans des greniers affectés aux divers chefs-lieux, l'excédent des grains qu'il reçoit en impôts, et les vendant à ses sujets dans les temps de disette. Une partie des nombreuses maisons de prêts sur gage qui existent en Chine appartient aussi au gouvernement. Le taux d'intérêt est, par mois, 2% pour les dépôts d'habillement et 3% pour les dépôts de bijoux et objets métalliques. Le taux légal de l'argent a été fixé à 30% par an. Et comme cet intérêt se paye par lune ou mois lunaire, c'est 3% par mois, la sixième, la douzième lune et la lune intercalaire, quand il y en a, ne portant point d'intérêt. On sera peut-être curieux de savoir quel but s'est proposé le gouvernement chinois, en portant si haut l'intérêt de l'argent, et de connaître la manière dont on envisage, dans ce singulier pays, les questions d'économie politique et sociale. Selon Chao Ying, écrivain distingué du Céleste Empire, l'État a voulu empêcher que la valeur des biens-fonds n'augmentât et que celle de l'argent ne diminuât par la médiocrité de l'intérêt. En le portant à un taux considérable, il a essayé de rendre la distribution des biens-fonds proportionnelle au nombre des familles et la circulation de l'argent plus active et plus uniforme. Il est évident, dit l'écrivain chinois, que l'argent étant au-dessous des biens-fonds parce qu'il est plus casuel en lui-même et dans les revenus, la même valeur en biens-fonds sera toujours préférée à celle qui est en argent. Il est évident encore que pour ne pas courir le risque du casuel de l'argent, on aimera mieux posséder une moindre valeur en biens-fonds avec plus de sécurité. Cette moindre valeur est proportionnée au risque de l'argent et de ses profits. Plus l'intérêt de l'argent est élevé, plus il faut de biens-fonds, tous les risques compensés, pour équivaloir à l'argent, comme il faut plus d'arpents de mauvaise terre pour équivaloir à une terre excellente et fertile. Or, plus il faut de biens-fonds pour équivaloir à l'argent, plus il est aisé aux pauvres citoyens de conserver ceux qu'ils ont et d'en acquérir même une certaine quantité, puisque cela ne suppose pas la richesse. Plus, par la même raison, les partages sont faciles dans les familles et avantageux à l'État pour les terres que le gouvernement a eues surtout en vue. Pourquoi cela ? C'est que les fonds en terre produisent toujours plus à ceux qui les font valoir eux-mêmes et que les riches, qui en possèdent plus qu'ils n'en peuvent cultiver, perdent pour l'État en les négligeant ou pour eux en les donnant à d'autres ce que gagnent ceux qui les cultivent eux-mêmes. Perte certaine et inévitable, perte, dans le dernier cas, à laquelle il faut ajouter les risques de la récolte et le casuel du paiement. Perte, par conséquent, qui, étant aggravée par les risques, leur rend l'achat des terres moins avantageux qu'aux pauvres et doit autant le faciliter aux derniers qu'elle doit en dégoûter les premiers. Après avoir prouvé par l'expérience que les possessions territoriales du peuple ont augmenté à proportion que l'intérêt de l'argent a été porté plus haut, Zhao Ying conclut ainsi « Le grand bien qu'a cherché et qu'a produit la loi de l'intérêt à 30%, c'est que les cultivateurs, qui sont la portion la plus nombreuse, la plus utile, la plus morale et la plus laborieuse des citoyens, peuvent posséder assez de biens-fonds en terre pour avoir de quoi vivre sans être riches, et ne sont plus les malheureux esclaves des rentiers, des citoyens pécunieux, qui engraissent leur oisive inutilité du fruit des travaux de ces infortunés. » Zhao Ying essaye de prouver ensuite que le taux de 30% étant la moyenne entre le revenu des bonnes terres et les profits du commerce en gros, c'est celui précisément qu'il fallait déterminer pour aiguillonner le commerce et faire circuler l'argent oisif. Qui a de bonnes terres, dit-il, ne les laissera pas en friche, parce qu'à moins d'être insensé, il ne voudrait pas se priver en pure perte des moissons dont chaque année elles peuvent remplir ses greniers. Qui a des fonds en argent serait aussi insensé s'il les laissait chômer dans ses coffres. Car s'il y a plus de danger à les placer qu'à cultiver les terres et à les mettre en valeur, il y a aussi des profits plus considérables. Tout le monde convient que l'argent ne reste jamais en caisse chez les négociants, parce que l'appât puissant du gain l'en fait sortir sans cesse. La loi de 30% étant établie, le même appât doit produire le même effet chez tous ceux qui en ont. Aussi voyons-nous que depuis que l'intérêt de l'argent a été porté si haut, personne n'a plus songé à en faire des amas, et la circulation en a été plus générale, plus vive, plus continuelle. Un autre économiste, nommé Chen Che, soutient que l'intérêt légal de 30% a pour but de faciliter le commerce. On va voir que les Chinois sont tout aussi avancés que nous dans l'art de faire des formules. Une société bien organisée, dit Chen Che, serait celle où chacun travaillant selon ses forces, son talent et les besoins publics, tous les biens seraient toujours partagés dans une proportion qui en fit jouir tout le monde à la fois. L'État le plus riche serait celui où peu de travail mettrait les productions de la nature et de l'art dans une abondance supérieure, en tout temps, au nombre et aux besoins des habitants. La richesse a nécessairement une relation avec les besoins. L'Empire était plus riche avec moins de biens, sous les premières dynasties, parce qu'un moindre travail produisait plus par rapport au nombre des habitants. La population de l'Empire est telle aujourd'hui que l'intérêt pressant des besoins communs demande qu'on tire de la fraternité de la terre et de l'industrie de l'homme tout ce qu'on peut en tirer. Pour y réussir, il faut cultiver dans chaque endroit ce qui vient le mieux et travailler les matériaux où on les trouve. Le surabondant des consommations locales devient un secours pour les autres endroits et c'est au commerce à l'y porter. La nécessité du commerce dans l'Empire est égale à la nécessité des échanges et l'utilité du commerce à leur utilité, c'est-à-dire qu'il est d'une nécessité absolue et d'une utilité universelle et continuelle. Il faut distinguer dans le commerce les choses et les lieux. Sa totalité embrasse, dans les productions de la nature et de l'art, le nécessaire, l'utile, le commode, l'agréable et le superflu. Il y a un commerce de famille à famille dans le même endroit, un commerce de village à village, de ville à ville, de province à province, et il est facile, continuel, universel, à cause de la proximité. un commerce sans fin de la capitale avec les provinces et des provinces entre elles, quelque éloignées qu'elles soient les unes des autres. Si tous les biens de l'Empire appartenaient à l'État et que l'État fût chargé de faire le partage, il faudrait nécessairement qu'il se chargeât des échanges que fait le commerce en portant la surabondance d'un endroit dans l'autre, et dans ce cas, il assignerait des appointements à ceux qu'il chargerait de ce soin, comme il en donne aux magistrats, aux gens de guerre, etc. Ce soin, qui n'a rien que de noble et de grand, puisqu'il se rapporte directement à la félicité publique, deviendrait honorable. Les commerçants se chargent, à leur risque et péril, de rendre cet important service à la société. La proportion et la correspondance des échanges en produits ne seraient évidemment ni assez commodes, ni assez uniformes, ni assez constantes pour subvenir aux besoins si variés, si continuels de la société. L'argent, comme signe et équivalent d'une valeur fixe et reconnue, y supplée d'autant plus aisément qu'il se prête avec plus de facilité et de promptitude à toutes les proportions, divisions et correspondances des échanges. L'argent est donc le ressort et le ferment du commerce. Le commerce ne peut donc être florissant qu'autant que la circulation de l'argent facilite, augmente, hâte et perpétue la multitude des échanges. L'équilibre antique de la répartition proportionnelle des biens ayant été rompu, il est évident qu'il y a un grand nombre de citoyens dont la dépense est moindre que leur recette et qui, par conséquent, peuvent mettre de l'argent en réserve ou du moins n'être pas pressés d'en faire usage. Il n'est pas moins évident que le gouvernement veillant à ce que la totalité de l'argent qui circule dans l'Empire soit proportionnée à la valeur et à la quantité des échanges innombrables du commerce, l'argent qu'on enlève à cette circulation par des réserves diminue la facilité, l'uniformité et la continuité des échanges en proportion de sa quantité. Donc, tout ce qui tend à le faire entrer dans la circulation et à l'y conserver est au profit du commerce. La loi le fait autant qu'elle le peut en mettant dans le cas d'une plus grande dépense ceux à qui l'État donne plus. La bienséance et les mœurs générales le font aussi pour les autres, jusqu'à un certain point. Cela ne suffit pas. Le haut intérêt de l'argent y supplée en assurant des profits qui amorcent et séduisent la cupidité. S'il en est qui résiste à un appât si attrayant, c'est une nouvelle preuve qu'un moindre intérêt eût encore moins fait sortir d'argent et eût privé le commerce de beaucoup de fonds. Comme le besoin d'argent dans le commerce est toujours un peu pressant et universel, à cause de son immensité et de ses divisions et ramifications infinies, les plus petites sommes y trouvent place et y sont poussées par la séduction des profits. Séduction d'autant plus efficace pour le laboureur et l'artisan que la moindre perte attaque son bien-être et que s'il confie de l'argent en commerce, il le retire quand il veut. Les négociants et les marchands eussent-ils des fonds suffisants pour se passer du secours des emprunts, ce qui est impossible à cause de l'inégalité des fortunes et de la proportion de l'argent qui circule avec la valeur des échanges dans tout l'Empire, les négociants, dis-je, et les marchands, pussent-ils se passer du secours continuel des emprunts, il serait de l'intérêt du commerce qu'ils en fissent et qu'ils les rendissent lucratifs pour intéresser le public à ses succès. S'il envahit partout avec tant de soin à la facilité, à la commodité et à la sûreté des transports par terre et par eau, si toutes les affaires qui concernent le commerce dans les ventes, achats et expéditions sont terminées avec tant de célérité et de bonne foi, si les privilèges des foires et des marchés sont conservés si scrupuleusement, si la police qu'on y garde est si attentive et si douce, si les malversations et les tyrannies des douanes sont punies avec tant d'éclat, c'est que presque tout le monde a des fonds dans le commerce ou s'intéresse à ceux qui en ont. Le gouvernement ne peut qu'exiger les secours qui lui sont dus et qu'il importe aux citoyens de lui procurer. Le haut intérêt de l'argent les procure infailliblement. C'est un grand coup d'État que la loi de 30%. L'économiste Tsien-Che réfute ensuite les adversaires de la loi de 30%. Les anciens ne toléraient que de petits intérêts, dit Liang Tsien. Celui de 30% est une injustice et une oppression publique. On ne peut pas imaginer d'usure plus criante. Nous pourrions nous contenter de répondre, premièrement, que le fait allégué est au moins douteux, puisqu'il ne faut couvrir les anciens auteurs, et même les livres sacrés, pour voir que les profits du commerce étaient prodigieux sous la belle et célèbre dynastie des Cheou, et il n'est pas naturel de penser que les commerçants travaillassent sur leurs fonds, ni que ceux qui leur prêtaient ne voulussent pas partager les bénéfices qu'on faisait avec leur argent. Tout ce qu'on peut dire de plus, c'est que les gros intérêts n'étaient pas autorisés par la loi. Du reste, comme on ne trouve pas qu'ils fussent prohibés, il faudrait examiner si ce que nous avons perdu de ces lois était ou la condamnation ou l'apologie de l'intérêt. Deuxièmement, que toutes les proportions ont changé par les accroissements de la population. Un père doit autrement gouverner sa famille lorsqu'il a 12 enfants que lorsqu'il n'en avait que 3 ou 4. Troisièmement, qu'il est terrible d'accuser d'injustice et d'oppression usuraire une loi que le zèle du public a dictée, qui a été reçue avec action de grâce dans tout l'Empire, qui était générale et au profit de tout le monde, qui, ne faisant que permettre, ne gêne personne, qui date maintenant de plusieurs siècles et qui répond à toutes les objections par l'état actuel de l'Empire et du commerce. Une boutique sur la grande rue qui aboutit à la première entrée du palais impérial se loue le quadruple de ce qu'elle se louerait si elle était dans un quartier ordinaire et médiocrement fréquenté. Pourquoi cette augmentation de loyer? Pourquoi cette disproportion entre deux maisons dont la valeur réelle est la même, n'ayant pas plus coûté à bâtir l'une que l'autre? C'est que, bien qu'il ne tienne qu'à moi de profiter de l'avantage du commerce que m'offre sa position, je cède mon droit au marchand à condition qu'il m'en dédommagera, en augmentant le loyer à proportion du profit qu'elle lui procurera et que je lui cède. Il en est de même de l'argent qu'on prête aux négociants. Le commerce a ses révolutions, ses accidents, ses fautes, ses pertes et ses manquements de bonne foi, dont le résultat général réduit la totalité du fonds qu'on lui confie à un intérêt qui ne passe guère que de 4 ou 5% le revenu ordinaire des bonnes terres. Est-ce trop d'un pareil avantage pour lui assurer les prêts dont il a besoin et pour dédommager ceux qui lui remettent leur argent des risques qu'il court? La multitude gagne toujours dans les prêts faits au commerce, mais il y a toujours beaucoup de particuliers qui perdent ou l'intérêt ou le capital. Le flux et le reflux des pertes et des gains doit entrer nécessairement dans la balance du taux de l'intérêt de l'argent. On doit même y avoir d'autant plus d'égards que soit à raison de la population, soit à raison de la constitution intime du gouvernement et de l'administration publique, la majeure partie des fonds du commerce doivent être des emprunts. L'État n'a mis aucun autre impôt sur le commerce que celui des douanes. Le négociant et le marchand, quelque riche qu'il soit, quelques dépenses que fasse l'État pour la facilité et l'utilité du commerce dont il recueille les plus doux fruits, ne donne rien à l'État pour ses charges. Cette politique est très sage et très équitable, parce que le négociant et le marchand, tirant le revenu du public par les bénéfices du commerce, ils lui feraient payer les impôts qu'on leur demanderait. Il se trouverait par là que l'État n'aurait fait que les créer receveurs de ces impôts. Si cependant les besoins de l'État exigeaient qu'il leur demandât un impôt, comme les consommations sont communes à tous les ordres de l'État et proportionnées aux fortunes des particuliers, il est évident que ce serait l'impôt dont la répartition serait la plus équitable et la moins à charge aux pauvres. Tout le monde y applaudirait. Donc, nos lettrés, qui ont crié contre l'intérêt à 30%, n'entendent rien en fait d'administration politique. Changeons les noms et tout cela sera démontré. À quoi monte l'excédent des intérêts qu'on tire aujourd'hui dans tout l'Empire sur ce qu'on en tirait sous la dynastie des Tang il y a 9 siècles? Supposons 10 millions d'onces d'argent. Qui trouverait mauvais que l'État les exigeât en sus des impôts ordinaires pour subvenir aux besoins du commerce intérieur de l'Empire? Eh bien, la déclaration qui a porté à 30% l'intérêt de l'argent est un édit qui crée cet impôt et l'État le cède à ceux qui prêtent aux commerçants ou à ceux qui sont dans le cas de prêter à leurs concitoyens. C'est sur les profits du commerce, c'est sur le public que cet impôt est levé et de la manière la plus avantageuse puisqu'on ne le paye qu'à proportion de ses consommations. Tout ce qu'il y a de particulier à cet impôt, c'est que l'État le cède au public, sans le faire passer par le trésor de l'Empire et sans être obligé de l'augmenter des frais de la recette. Chang Xin a dit à cette occasion « Un impôt palier est un glaive dans le fourreau s'use et le glaive blesse. » Ce raisonnement prouve qu'on peut être un très habile lettré et même un bon magistrat sans avoir la tête assez forte pour saisir les affaires d'État. En quoi le haut intérêt fixé par la loi étant-il l'utilité du commerce? En ce qu'il en ouvre la carrière à ceux qui ont du talent pour le faire et le rend nécessairement plus réparti et plus divisé. Le génie du commerce est un génie à part, comme celui des lettres du gouvernement, de la guerre et des arts. Peut-être même, pourrait-on dire, qu'il embrasse, à certains égards, toutes les espèces de génie. Or, le génie du commerce est perdu pour l'Empire dans tous ceux qui sont à portée de suivre une autre carrière. Reste donc à le mettre en œuvre dans ceux dont le commerce est l'unique ressource. Quoique le commerce soit infiniment nécessaire à l'État, l'administration, qui fait tant de dépenses pour faciliter les études et former par là des sujets propres à faire, ne fait rien pour ceux qui ont le génie du commerce, pour les aider à le déployer. Le haut intérêt de l'argent supplée à cette espèce d'oubli. Quelque pauvre que soit un jeune homme, s'il a de la conduite et du talent, il trouvera emprunté assez pour faire des tentatives. Dès qu'elles réussissent, toutes les bourses s'ouvrent pour lui et l'intérêt donne à l'Empire un citoyen utile qui aura été perdu s'il ne lui eût tendu une main secourable. Or, Dès qu'on peut entrer dans le commerce, sans avoir de fonds à soi, le commerce doit être nécessairement très divisé, et tel, par conséquent, que le demande l'état actuel de la population. Un homme, quel qu'il soit, n'a qu'une certaine mesure de temps et de force à employer. Si le commerce dont il est chargé en demande plus, il faut qu'il appelle du secours, c'est-à-dire qu'il achète des services. Il lui coûte peu pour l'ordinaire, et il tâche d'en retirer beaucoup. Ce qu'il gagne sur eux le dispense peu à peu de travailler lui-même, et le public est chargé du fardeau de son oisiveté. On demandait à Soling pourquoi il avait fait prêter 20 000 onces d'argent sur le trésor public à 12 petits marchands. « C'est, répondit-il, afin que le public ne paye plus les festins, les spectacles, les vernis, les concubines et les esclaves de celui qui a envahi le commerce des soieries. La rivalité des ventes oblige les marchands à lutter d'industrie et de travail, c'est-à-dire à rançonner moins le public. » Nous pensons qu'il serait superflu d'avertir le lecteur qu'en donnant ces citations, peut-être un peu trop longues, des économistes chinois, nous n'entendons nullement approuver leur doctrine. Ces questions épineuses et ardues sont trop au-dessus de nos connaissances pour qu'il nous soit permis de nous en établir le juge. Nous avons seulement voulu faire connaître la trempe d'esprit des Chinois. On est si communément habitué à les apprécier d'après les dessins des paravents et des éventails, à ne voir en eux que des magots plus ou moins civilisés, que nous avons été bien aises de montrer de quelle manière ils savent traiter les matières de haute politique et d'économie sociale. Afin de faciliter ces opérations commerciales, les Chinois ont inventé des sociétés pécuniaires, répandues dans tout l'Empire et dont le but principal est d'éviter le fardeau des dettes fixes et qui portent intérêt. Les membres de ces sociétés conviennent entre eux d'une certaine somme que chacun versera le premier jour de chaque mois. Ce jour même, la totalité des sommes se tire au sort. On continue ainsi chaque mois jusqu'à ce que chacun ait eu le lot. Comme les derniers seraient trop mal partagés et auraient fait inutilement toutes les avances sans en retirer aucun avantage, chaque mois, le lot augmente d'un petit intérêt payé par ceux qui en ont déjà profité. L'avantage de ces sociétés consiste à procurer tout d'un coup une somme considérable qu'on ne paye qu'en détail. Comme le gouvernement ne se mêle en aucune manière de ces sociétés privées, leurs règles varient au gré de ceux qui les composent. Il y a cependant deux conditions qui paraissent invariables et admises dans toutes les provinces. La première, c'est que le fondateur de la société a toujours le premier lot. La seconde, c'est que tout associé qui manque une fois à fournir sa quote-part perd toutes ses avances au profit du chef de la loterie, lequel répond pour tout le monde. Mais ces cas arrivent très rarement. Tous les membres se font un si grand point d'honneur d'être fidèles à ces sortes d'engagements qu'on ne pourrait y manquer sans se couvrir de honte et devenir, pour ses concitoyens, un objet de mépris. Lorsque quelqu'un se trouve pressé d'argent, il obtient facilement qu'on lui cède le lot, et s'il ne peut plus continuer, il abandonne ses avances à un autre, qui répond pour lui. Ces sociétés sont tellement à la mode que presque tous les Chinois en font partie. Les cultivateurs, les artisans, les petits marchands, tout le monde se réunit ainsi par groupe et met ses ressources en commun. Le Chinois ne vit jamais dans l'isolement. Mais c'est surtout dans les affaires d'intérêt et de commerce que son esprit d'association est remarquable. L'immense population de la Chine, la richesse de son sol et la variété de ses produits, la vaste étendue de son territoire et la facilité des communications par terre et par eau, l'activité de ses habitants, les lois, les mœurs publiques, tout semble se réunir pour rendre cette nation la plus commerçante du monde. De quelque côté qu'un étranger pénètre en Chine, quel que soit le point qu'on visite, ce qui frappe avant tout, ce qui saisit d'étonnement, c'est l'agitation prodigieuse de ce peuple, que la soif du gain, que le besoin du trafic tourmente sans cesse. Du nord au midi, d'Orient en Occident, c'est comme un marché perpétuel, une foire qui dure toute l'année sans interruption. Et cependant, quand on n'a pas pénétré jusqu'au centre de l'Empire, quand on n'a pas vu ces trois grandes villes, Anyang, Wuchangfu et Ankeu, placées en face l'une de l'autre, il est impossible de se former une idée exacte de l'activité et de l'immensité de ce commerce intérieur. C'est surtout Ankeu, la bouche des entrepôts, qu'il faut visiter. Tout y est boutique et magasin. Chaque produit a sa rue ou son quartier, qui lui est spécialement affecté. De toutes parts, on rencontre toujours une si grande affluence de piétons, les masses sont tellement compactes et pressées qu'on a toutes les peines du monde à se frayer un passage. Presque toutes les rues sont continuellement sillonnées par de longues files de portefaix qui s'en vont au pas de gymnastique et en poussant un cri monotone et cadencé dont le son aigu domine les sourdes rumeurs de la multitude. Au milieu de ce vaste tourbillonnement d'hommes, on remarque pourtant assez d'ordre et de tranquillité. Il y a peu de querelles et de batailles, Quoique la police soit loin d'être aussi nombreuse que dans nos villes d'Europe, les Chinois sont toujours retenus par un instinct salutaire, la crainte de se compromettre. Ils s'ameutent volontiers, ils vocifèrent beaucoup, mais après cela, la circulation reprend son cours ordinaire. En voyant les rues sans cesse encombrer le monde, on serait assez porté à croire que tous les habitants de la ville sont en course et que les maisons sont vides. Mais qu'on jette un coup d'œil dans les magasins, ils sont toujours remplis de vendeurs et d'acheteurs. Les fabriques et les manufactures enferment en outre un nombre considérable d'ouvriers et d'artisans. Et si l'on ajoute à ces multitudes de femmes, les vieillards et les enfants, on ne sera nullement surpris qu'on élève à 8 millions la population de Hankou, de Hanyang et de Wuchangfu. Nous ne savons pas si l'on comprend dans ce chiffre les habitants des barques. Le grand port de Hankou est bien littéralement une immense forêt de mâts de navires. On est saisi d'étonnement en voyant, au milieu de la Chine, des bâtiments en si grand nombre et d'une telle dimension. Nous avons dit que Hankou est en quelque sorte l'entrepôt général des 18 provinces. C'est là, en effet, qu'arrivent et c'est de là que partent les marchandises qui alimentent le commerce intérieur. Il n'est pas, peut-être au monde, de ville située plus favorablement et entourée par la nature de plus grands avantages. Placée au centre de l'Empire, elle est, en quelque sorte, entourée par le fleuve bleu, qui la met en communication directe avec les provinces de l'Est et de l'Ouest. Ce même fleuve, décrivant deux courbures à droite et à gauche, quand il s'éloigne de Hankou, conduit les grandes jonques du commerce vers le sud jusqu'au sein des lacs Puyang et Tungting, qui sont comme deux mers intérieures. Une infinité de rivières qui se jettent dans ces lacs peuvent recevoir, sur de plus petites barques, les marchandises venues de Hankou et les répandre dans toutes les provinces du Midi. Vers le nord, les communications naturelles sont moins faciles, mais de gigantesques et ingénieux travaux sont venus y suppléer. Nous voulons parler de ces nombreux canaux artificiels dont le nord de la Chine est entrecoupé et qui, par de merveilleuses et savantes combinaisons, font correspondre entre eux tous les lacs et tous les fleuves navigables de l'Empire, de sorte qu'il sera facile à quelqu'un de voyager dans toutes les provinces sans jamais descendre de sa barque. On voit dans les annales de la Chine qu'à toutes les époques, chaque dynastie s'est occupée avec le plus grand intérêt de la canalisation de l'Empire. Mais rien n'est comparable à ce qui fut exécuté par l'empereur Yangti de la dynastie des Qin, qui monta sur le trône l'an 605 de l'ère chrétienne. La première année de son règne, il s'occupa à faire creuser de nouveaux canaux ou à grandir les anciens pour que les barques puissent aller du Hango au Yangtze-Kiang et de ces deux grands fleuves dans les principales rivières. Un savant, nommé Xiao Huai, lui présenta un plan pour rendre toutes les rivières navigables dans tout leur cours et les faire communiquer les unes avec les autres par des canaux d'une nouvelle invention. Son projet fut adopté et exécuté de manière qu'on fit, refit et répara plus de 6600 lieues de canaux. Cette grande entreprise exigea des travaux immenses, qui furent partagés entre les soldats et le peuple des villes et des campagnes. Chaque famille devait fournir un homme âgé de plus de 15 ans et de moins de 50 à qui le gouvernement ne donnait que la nourriture. Les soldats qui avaient eu en partage le travail le plus pénible recevaient une augmentation de paye. Quelques-uns de ces canaux furent revêtus de pierres de taille dans toute leur longueur. Pendant nos voyages, nous en avons vu des restes qui attestent encore la beauté de ces ouvrages. Celui qui allait de la cour du nord à celle du midi avait 40 pas de large, et sur les deux bords, il y avait des plantations en ormeaux et en saules. Celui qui allait de la cour d'Orient à celle d'Occident était moins magnifique, mais bordé également d'une double rangée d'arbres. Les historiens chinois ont flétri la mémoire de l'empereur Yangti, qui pendant son règne n'a cessé d'écraser le peuple de corvée, pour satisfaire son goût effréné du luxe et du faste. Ils reconnaissent cependant qu'il a bien mérité de tout l'Empire, par l'utilité que le commerce intérieur a retirée de ses canaux. Les richesses de la Chine, son système de canalisation, toutes les causes que nous avons déjà assignées, ont sans doute beaucoup contribué à développer dans le pays cette prodigieuse activité commerciale qu'on y a remarquée à toutes les époques. Mais il faut convenir aussi que le caractère, le génie de ses habitants, les porte naturellement au trafic. Le Chinois est cupide et passionné à l'excès pour le lucre. Il aime l'agiotage, les spéculations, et son esprit, plein de ruses et de finesse, se plaît infiniment à calculer, à combiner les chances d'une opération commerciale. Le Chinois, par excellence, est un homme installé du matin au soir, derrière le comptoir d'une boutique, attendant sa pratique avec patience et résignation, et dans les intervalles de la vente, réunissant dans sa tête et supputant sur les boules de sa tablette de mathématiques les moyens d'accroître sa fortune. Quelle que soit la nature et l'importance de son commerce, il ne néglige aucun bénéfice. Le plus petit gain sera toujours le bienvenu. Il l'accueillera avec empressement. Sa jouissance la plus grande, c'est le soir, après avoir bien fermé et barricadé son magasin, de se retirer dans un recoin de sa maison et là, de compter religieusement ses sapèques et d'apprécier la recette de la journée. Le Chinois apporte en essence ce goût du commerce et du trafic qui grandit et se développe avec lui. C'est sa nature et son instinct. Le premier objet pour lequel un enfant se sent de l'attrait, c'est la sapèque. Le premier usage qu'il fait de la parole et de l'intelligence, c'est d'apprendre et d'articuler la numération. Lorsque ses doigts sont assez forts pour tenir le pinceau, ce sont des chiffres qu'il s'amuse à dessiner. Enfin, aussitôt que ce petit être sait parler et marcher, le voilà capable de vendre et d'acheter. En Chine, on ne doit pas craindre d'envoyer un enfant faire une emplette quelconque. On peut être assuré qu'il ne se laissera pas tromper. Les jeux même auxquels se livrent les petits Chinois sont toujours imprégnés de cet esprit de mercantilisme. Ils s'amusent à tenir boutique, à ouvrir des mondes de piété, et ils se familiarisent ainsi au jargon, aux ruses et aux subtilités des marchands. Leurs connaissances sur tout ce qui regarde le commerce sont si précoces et si positives qu'on ne fait pas de difficulté de les mettre dans les confidences les plus importantes et de leur donner à traiter des affaires sérieuses à un âge où les enfants ne sont ordinairement préoccupés que d'amusement et de bagatelles. Les habitants du Céleste Empire ont la réputation bien méritée d'être astucieux et rusés, et l'on comprend qu'un tel caractère doit surtout jouer un très grand rôle dans le commerce. Il se ferait des volumes sur les friponneries plus ou moins ingénieuses et audacieuses des marchands chinois. L'habitude est si générale, la mode si universelle, qu'on ne s'en choque pas. C'est tout simplement de l'habileté et du savoir-faire. Un marchand est tout glorieux lorsqu'il peut raconter les petits succès de sa scélératesse. Cependant, pour être tout à fait juste envers les Chinois, nous devons ajouter que ce manque de probité et de bonne foi se remarque seulement chez les petits marchands. Les grandes maisons de commerce mettent au contraire dans leurs opérations une loyauté et une honnêteté remarquables. Elles se montrent esclaves de leurs paroles et de leurs engagements. Les Européens, qui ont eu des relations commerciales avec la Chine, sont unanimes pour vanter la probité irréprochable des grands négociants chinois. Il est fâcheux que ceux-ci ne puissent en dire autant des Européens. Il n'existe pas en Chine d'autres monnaies légales que de petites pièces rondes fondues avec un alliage de cuivre et d'étain et appelées tsien. Les Européens leur ont donné communément le nom de sapec. Elles sont percées au milieu d'un trou carré afin de pouvoir être enfilées avec une corde. 1000 de ces pièces forment une enfilade équivalent au cours moyen à une once chinoise d'argent. Car l'or et l'argent ne sont jamais monnayés en Chine. Bien que les sapecs ne soient habituellement employés que pour les achats de détail, l'or et l'argent qui servent pour les achats plus considérables se pèsent comme une denrée ordinaire et les conventions se font en enfilade de sapecs. À cet effet, les Chinois des villes portent toujours avec eux de petites balances pour acheter ou vendre et pèsent l'argent qu'ils donnent ou reçoivent. Les billets de banque payables aux porteurs sont en usage dans toute l'étendue de l'Empire. Ils sont émis par les grandes maisons de commerce et acceptés dans toutes les villes importantes. La sapec, dont la valeur représente à peu près un demi-centime de notre monnaie, est d'un avantage incalculable pour le petit commerce de détail. Grâce à la sapec, on trafique en Chine sur les infiniment petits. On peut acheter une tranche de poire, une noix, une douzaine de fèves frites, un cornet de graines de citrouille, boire une tasse de thé ou fumer quelques pipes de tabac pour une sapec. Tel citoyen, qui n'est pas assez riche pour faire la dépense d'une orange, ne laisse pas que de se passer la fantaisie d'en acheter une cote. Cette division extrême de la monnaie chinoise a donné naissance à une infinité de petites industries qui font vivre des milliers d'individus. Avec 200 sapecs de capital, un Chinois n'hésitera pas à se lancer dans quelques petites spéculations mercantiles. La sapec est surtout d'une immense ressource pour ceux qui demandent l'aumône. Il faudrait être bien pauvre pour n'avoir pas une sapec à donner à un mendiant.